21h tapante à la pendule de Radio Béton, on rouvre de nouveau le micro de Thibaut pour, ma foi, le Songo Focus de l'émission de ce soir, et donc un focus dans l'aspect française. Ouais, petite découverte sur une toute jeune formation qui s'appelle Corrupteur, qui nous sortent leur premier album, donc ils se sont formés en 2021. C'est un duo, alors ils sont estampillés, c'est pas facile d'avoir des informations, mais ils sont estampillés membres de la scène. Donc j'ai pas trop les... Déjà c'est rassurant, hein. On sait qu'ils sont français. Voilà, c'est ça, ils sont français et ils sont membres de la scène. Mais voilà, moi j'ai pas les visages parce qu'on a les visages sur les photos, je les reconnais pas, donc je sais pas qui c'est. Mais apparemment c'est des gens qui gravitaient déjà sur la scène métal avant. De l'ancien temps. Pardon ? Sur la scène métal française de l'ancien temps. Oui, sans aucun doute, ouais. Donc une première sortie sur le label Gods of War. Avec un V à la place du F, comme ça se fait. Cet album s'intitule Descent into Madness. Que dire dessus ? Dans un premier temps, déjà la pochette que j'ai trouvée vraiment ultra classe. Alors certes classique, mais ça renvoie personnellement dans les ambiances du Left and Path, de Entombed, au niveau des coloris, de la manière dont c'est structuré. Ouais. Là comme ça, à froid. Ouais, complètement. Et au final, elle est assez bien foutue et je trouve que c'est parfait. Ça symbolise l'album, c'est-à-dire t'as un death metal froid, caverneux, oppressant et écrasant, tu vois. Et t'as vraiment tout là-dedans. C'est torturé, ça fourmille de petits détails à droite à gauche. Et je trouvais que le visuel, il fonctionnait super bien. C'est si je dis pas de bêtises, c'est Juanjo Castellino, c'est un Espagnol qui a fait le truc et il a un gros palmarès derrière. Pas forcément sur des gros groupes, mais je crois que j'ai vu Gates of Ishtar ou un truc comme ça dedans. Il y a Avulst, il y a qu'est-ce que je vois, Body Farm par exemple, Carnation, le groupe de death belge. Enfin voilà, il y en a gros background derrière lui malgré tout, parce que la liste est très très longue. Effectivement, en termes de notoriété de groupe, c'est assez variable. Ouais. Après, t'as pas des très très grosses têtes d'affiche de souvenirs, mais bon, des groupes gros guillemets des seconds couteaux, on va dire. Où t'as vraiment un beau palmarès derrière. Que dire musicalement ? Ouais, comme je disais, c'est un death metal qui est bien froid, qui est assez caverneux et avec un chant vraiment ultra guttural. T'as quelques relents et quelques sonorités qui sont sombres et tu sens le black metal pointer le bout de son nez à droite. Qui est jamais très loin en embuscade. Ouais, complètement. Vraiment black metal en plus, assez old school dans ce qu'ils font. Pour moi, un premier jet vraiment d'une très grande qualité. Je note surtout la richesse des compos et puis une ambiance qui est, enfin vraiment cette ambiance ultra lourde qui se dégage de l'album. Tout sonne un peu sourd, étouffé, tu vois, et ça t'as une espèce de cohérence globale dans ce qu'ils font qui m'a vraiment plu. Les morceaux sont assez courts, j'ai été assez surpris. Du coup l'album dans son entièreté, 9 titres pour tout juste 30 minutes. Donc ouais, effectivement, complètement. Ça va à l'essentiel. Ouais, et un peu, tu vois, il manque encore un peu de longueur. Ça manque un peu de longueur en bouche. Reste un peu sur la fin. Ouais, c'est ça. Ça te laisse un petit peu en arrière-goût en mode ah, si j'avais eu 10 minutes de plus pour apprécier l'univers, ça aurait pas été trop. Pas négligeable, ouais. Vraiment, moi j'ai vraiment trouvé un travail ultra approfondi et tu sens que c'est un truc qui est abouti, quoi. Et je vais peut-être m'avancer sur ça, mais tu sais, ça pue le projet de confinement. Oui. Oui. Ça pue le projet de deux potes qui se sont retrouvés confinés, qui se sont dit on va pondre un truc, c'est super bien branlé, mais c'est tellement concept en plus la construction du truc et tout que je suis vraiment pas sûr qu'on aura une suite, quoi. Il y a deux personnes dans le groupe, je pense que ça pue ça n'aille pas plus loin. Ouais, de mon point de vue ça ressemble à ça. Enfin, toujours est-il que c'était vraiment vraiment chouette à écouter et voilà. Très bien. Présentation musicale maintenant, après la longue présentation globale de Corrupteur. Donc, premier album, Descent into Madness. On va écouter le titre Into the Earth pour illustrer tout ton propos. C'est parti. Darkness. Voilà, donc un petit mot pour revenir sur le morceau qu'on vient de s'écouter. Ouais, bah moi je. Enfin, après, j'ai eu un peu de mal à choisir parce que bah, globalement, tous les morceaux sont indépendamment super bons. Et puis, je te dis, c'est surtout la globalité de l'album qui est vraiment immersif. Pourquoi celui-là? Parce que vraiment, le dernier quart est ultra genre apocalyptique, tu vois. T'as un espèce de. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, comment dire, sur un album aussi monolithique, c'est assez difficile d'extraire un titre et de se représenter l'entièreté de l'album. Ouais, ouais, voilà. Et puis, c'est ce que disait Sylvain un peu en off. C'est. Le morceau, enfin l'album dans sa globalité, tu te fais pas chier. Il y a vraiment plein de choses. Des fois, ça descend en tempo, ça remonte. Ça, t'as vraiment de la diversité dans ton écoute. Et voilà, c'est un album juste travaillé et abouti qui est vraiment plaisant à écouter. On continue l'aspect ouais, française. C'est bon pour moi. Hein? C'est bon pour moi. Parce que là, tu pourras peut-être dire quelque chose cette fois au lieu de t'enfuir en courant. Avec doublette française suivante, Hangman's Share et Oxenbones. Oxenbones, on a commencé à diffuser la semaine dernière, groupe de punk speed hardcore qui sort son nouvel EP Time of Reckoning. On s'en écoutera le titre Raise Your Voice. Et juste avant Oxenbones, Hangman's Share, un des nouveaux fleurons de la scène française. Sauf que bah, moi, Hangman's Share, ça ne me cause absolument pas. Alors, j'avais vraiment adoré le premier album. J'avais vraiment beaucoup aimé. Enfin, le premier. Je sais plus, c'est celui qui a une pochette rose. The Addict, sorti en 2007. Ouais, celui-là, je l'avais trouvé vraiment chouette. Après, j'ai complètement décroché du groupe et je dois dire que, ouais, ça me. Sans dénigrer du tout le travail que. Alors, que pas du tout. Celui dont tu parles, avec du rose dessus, This Is Not. C'est le quatrième, en fait. This Is Not, suppose que quatrième. Tu es positive. C'est... J'en ai un autre en tête, du coup, j'ai plus le. Oh, j'ai c'est pas grave. Mais, ouais, j'avais écouté un peu et. Ouais, sur le je te dis, les premières écoutes que j'avais faites, donc je sais plus exactement, ouais, 2007 peut-être, j'avais trouvé ça sympa, mais vraiment cool même. Mais là, ouais, ça me laisse un peu de marbre ce qu'ils proposent maintenant. C'est peut-être plus moi le public qui suis visé, ou. Enfin voilà, je m'y retrouve plus comme j'avais pu me retrouver au début dans les albums. Voilà, sachez juste qu'un Mancher gravit les échelons de la réussite et c'est tant mieux pour eux, c'est que la qualité est toujours au rendez-vous. Ce nouvel effort studio s'intitule L'Honneur, une sortie sur Nuclear Blast. Et c'est vrai que tout à l'heure je faisais la grimace sur le nouvel effort studio de Amorphis, mais en fait Atomic Fire c'est juste le nouveau nom de l'entité allemande derrière Nuclear Blast, qui pour rappel a été vendu un français. Donc voilà, le Nuclear Blast tel qu'on le connaît n'existe plus vraiment, et tous les grosses, toutes les, la plupart des grosses locomotives Nuclear Blast ont filé chez Atomic Fire, tout comme notamment le prochain album de Meshuga. Hangman's Share, on s'écoutait le titre Second Wind, et donc juste après Oxenbones, c'est parti. We'll be right back. 21h17 à la pendule de Radio Béton. On va se quitter avec une dernière doublette dans l'aspect française. Mais avant ça, on va tout simplement égrener quelques dates qui auront lieu dans les semaines à venir. Alors on va essayer d'être concis et efficace en termes notamment de chronologie et de faire en sorte que ça se suive dans le calendrier. Qu'est-ce qu'on a? Vas-y. Non, t'es encore non, moins mais à jour. Là tu m'as pris de court là un petit peu. Bon, eh ben on va dans ce cas-là pas respecter le calendrier forcément, puisqu'on a tout d'abord le 6 avril au Red Club, une soirée Catharsis, mercredi 6 avril, Deathbell et Dolch. Et comme ça, pendant que je recherche le reste des dates, tu peux présenter notamment Dolch. Ouais, bah un groupe, moi un groupe que j'aime beaucoup, qui gravite un petit peu dans tout ce qui est Doom. On va dire que le style de prédilection, c'est du Doom. Ils vont incorporer pas mal d'éléments black, pas mal d'éléments ambiantes dans ce qu'ils font. C'est clairement un truc qui te prend au trip et qui est à avoir dans de bonnes conditions. Donc je pense que le raid, ça va s'y prêter assez violemment. L'autre groupe, je le connais pas, le groupe d'ouverture. Mais ouais, vraiment, Dolch, déplacez-vous. Et bah, Deathbell, c'est du Doom français à chanteuse qui nous vient de Toulouse. Ok, très bien. Voilà. On reprend le calendrier dans le bon sens, puisque c'est vrai que le 12 mars, putain, on est passé à côté de celle-là, on a la release party du troisième album studio de Beyond the Sticks, qu'on avait reçu il y a quelques semaines dans les studios de l'émission. Ils seront accompagnés de Final Showdown et de Alma. Beyond the Sticks, samedi 12 mars, ça a lieu au bateau ivre. Toutes les infos, bien sûr, dispo sur l'événement Facebook de cette soirée. Nous aurons ensuite une autre date Catharsis, de retour au Canadian, le 1er avril, une soirée black metal, puisque nous avons tout d'abord Miasme, récente formation de black metal, qui fera son tout premier concert. Le groupe a vu le jour en 2021, et cependant, dans Miasme, on retrouve du très très beau monde. Parce qu'au niveau du line-up, on a des ex-Ritualization, membres live de Antaeus, ex-Como Muertos, etc. etc. Donc voilà, du black bien vénère, un peu N-roll. Et en tête d'affiche, on aura Mort, groupe de black qui nous vient de Rouen, un side project des membres de Sordid. Et donc ça, c'est au Cana pour 5€ le vendredi 1er avril 2022, une autre soirée Catharsis. Là, comme ça, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. Parce qu'après, ça reporte à dans plusieurs mois. On aura le temps de... Ouais. Pour l'instant, je pense que... En plus, on aura déjà reparlé du RIP. Donc, voilà. Je pense qu'on est bon. Pour le futur proche. Dysmorphectomy, c'est la suite dans l'aspect fin de la diff française The Light Is Full Bastards. C'est le nom de ce quatrième effort studio de Dysmorphectomy. C'est du slam death qui nous vient de Rennes. C'est un one man band. Le bonhomme de Dysmo est également dans Cryogenical et Excision, et surtout dans Visceral Uprooting, son autre one man band. Voilà pour la présentation autour des projets musicaux de Anthony. Cannibal of the Far West, c'est le titre qu'on va s'écouter. C'est le premier morceau qui a été mis en ligne, sur lequel on retrouve Sylvain, vocaliste de Disgraced, le groupe de slam death qui nous vient de l'est de la France. Et en doublette avec Dysmorphectomy, nous aurons les vétérans du hardcore surf. Non, n'importe quoi. J'étais sur Burning Heads. Putain, il y a Burning Heads, j'ai même pas fait attention. Burning Dead, donc absolument rien à voir avec le punk hardcore surf des vétérans orléanais. Burning Dead, c'est du heavy, ça nous vient de région parisienne. Fear and Devastation, c'est le nom de leur premier effort studio longue durée. Une sortie aimée aux musiques, et on s'écoutera le titre Convicted. C'est parti. We'll be right back. 21h29 et 30 secondes à la pendule de Radio Béton. Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous du dimanche soir sur Zone de Radio Béton. J'ai dit qu'on était ensemble en direct jusqu'à 23h, pas du tout, parce qu'on va rendre l'antenne à 22h30, hein, comme on est arrivé dès 20h. Et ben, on va réouvrir une troisième fois le micro pour Thibaut pour le troisième focus de l'émission d'aujourd'hui. Ouais, ouais, troisième et dernier focus. Il fallait quand même qu'il y ait un peu de black metal dans, le... dans l'émission. Il n'y a pas vraiment de règles sur le focus, mais ça en est devenu presque une. Ouais, voilà. Bon, c'est de ma faute, hein. Je plaide coupable. Vorga, une formation assez récente, parce que formée en 2016, un groupe allemand. Pas vraiment beaucoup d'informations, ne serait-ce que sur le nom Vorga. J'ai cherché un peu, j'ai pas réussi à trouver une signification quelconque. Il y avait 2-3 trucs qui remontaient, mais ça me paraissait un peu cryptique et pas forcément très pertinent. Alors je pense qu'il faut chercher pas une traduction, hein. Je pense qu'il faut chercher une référence. Ouais, je pense aussi. Quand on voit la pochette de l'album, je pense qu'il y a une référence. Complètement. Donc c'est un groupe qui sort là son tout premier album. Ils avaient sorti un EP en 2019 qui s'appelait Radiant Gloom. Je ne l'ai pas trouvé plus ouf que ça. Je pense qu'il est fondamentalement... Les compositions sont fondamentalement bonnes, mais un peu desservies par le son. Et du coup, ça rend pas le truc super agréable à écouter, contrairement à cet album. Donc, il s'appelle Striving Toward Oblivion. C'est une sortie chez Transcending Obscurity Records. Et voilà, un Black Atmo, tout ce qu'il y a de plus classique, à mon sens, mais qui est bien foutu. Une pochette d'album, décidément, aujourd'hui, on n'a eu que des pochettes d'album vraiment grandioses. Mais celle-là, pour le coup, est vraiment, d'un point de vue définition, grandiose. Oui, oui. Enfin, c'est une bataille intergalactique qui est... Je sais pas dire exactement. On a le plan des vaisseaux qui se dirigent vers quelque chose qui est en train d'exploser. C'est riche de couleurs. C'est artistiquement très, très soigné. Ouais. Donc, c'est beau. Ouais, carrément. C'est signé Adam Burke. C'est un ricain qui est pareil, qui est comme celui le précédent dont j'ai oublié le nom, qui a aussi un palmarès assez énorme, hein, plein de petites pochettes et de... Ouais, ouais, tout à fait, on est en train de brosser ça rapidement. Or, pareil, pas forcément de groupe trop connu. On a notamment le groupe de True Heavy, Eternal Champions. On a le groupe de Funeral Doom, Evoken. Mm-hmm. Sur l'album de 2018, on a le First Fragment, etc. au niveau des styles. Et puis, bah tiens, si, c'est celui qui a fait l'artwork du dernier album de Griffon, par exemple. Ah, ok. Ah, tu vois, j'ai parcouru, j'avais même pas vu que c'était lui qui avait fait le Griffon. Bah, qui est très très classe aussi, pour le voilà. coup. Voilà. Donc, ouais, pochette vraiment chouette. Que dire sur l'album ouais, classique du Black Atmo. Grandiose, ultra dramatique, mais avec des mélodies de ouf dedans. C'est épique et sombre. C'est mon péché mignon. Je le dis. Ouais, dans une ambiance, je pense, du coup, assez galactique, mais on sait pas trop si c'est l'aspect vraiment sci-fi ou vraiment galactico-cosmique. Ouais, ouais, il y a un peu des deux. Dans l'ambiance que j'en ai ressenti, j'ai pas checké les paroles ni rien, mais dans l'ambiance, tu ressens vraiment ce côté. Seul dans l'espace et tout en prenant le côté d'un conflit galactique, tout son côté le plus froid et le plus noir, tu vois, de ce truc là voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'album? 44 minutes, presque 45 de musique pour 8 titres, donc des morceaux qui dépassent tous les 5 minutes. Ouais, par exemple, ça s'écoute tout seul. Ouais, cependant, mais moi je l'ai écouté genre en bossant, c'est parfait, quoi, genre de truc qui te saisissent de qui ouf pendant que t'es en train de bosser. Et pas forcément de Zikos très très connu. Enfin, voilà, les gars n'ont pas forcément gravité dans d'autres line-up plus ou moins connus avant. Un power trio d'allemands, et puis bah, ça fait le job, quoi. Ouais, carrément. Enfin, franchement, rien à dire. C'est pas l'album qui va vous transcender en mode c'est une révélation. C'est juste pour les amateurs du style qui cherchent un peu de fraîcheur dans le Black Atmo, et c'est bien branlé. C'est fait pour ça, quoi. C'est vraiment chouette. Vorga, donc Striving Towards Oblivion, et on va s'écouter le titre Last Transmission pour illustrer le propos de ton focus. C'est parti. Voilà, donc on vient de s'écouter un titre pour illustrer le focus de Vorga. Petit retour sur le morceau qu'on vient de s'écouter. Ouais, bah ce morceau-là, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue avec qui était intéressante. C'est pourquoi je l'ai choisi ce soir. J'ai ressenti un espèce de... J'étais en train d'écouter et d'un seul coup, c'est vraiment ressenti l'impact que la musique te prenait à ce moment-là. Il y avait vraiment un truc qui se dégageait. Et quand j'ai lu le titre du morceau, j'ai fait « Ouais, c'est exactement ça, en fait. Last Transmission. » C'est... Il y a une espèce de solitude à ce moment-là. Mm-hmm. C'était... C'est hyper prenant, c'est hyper épique. Le chant vient vraiment très très bien soutenir les ambiances. Donc une sortie très quali de la part de Vorga pour ce premier album studio longue durée. Ouais, carrément. Bah ouais. À écouter en entier pour ceux qui aiment le style, parce que ça vaut vraiment le détour. On continue la diff avec une nouveauté, Venator. Alors c'est pas hyper vendeur comme nom de groupe. Sur la pochette, sur le logo du groupe, on retrouve la disqueuse de Wasp. On est sur du heavy revival assez, je dirais pas speed, mais presque, qui nous vient d'Autriche. Echoes from the Gutter, c'est le nom de leur premier album studio. Au niveau de l'artwork, ça pue les années 80. 46 minutes, un album assez généreux. Les morceaux font tous entre 4 et 6 minutes. Voilà pour Venator. L'album est prévu pour le 25 février et en doublette on va s'écouter un titre de Death Cult. Death Cult, ça nous vient de Suisse, on est sur du death metal bien caverneux. Of Soil Unearthed, c'est le nom de leur second effort studio. L'album est déjà dispo. Trepanation Rites pour Death Cult et juste avant ça Venator avec le morceau Night Rider. C'est parti. Thank you. qu'on attaque eh bien, la fin de l'émission de ce soir. Puisque bah, on s'approche tranquillement de la fin de l'émission, tout simplement. Enfin voilà, il n'y a pas trop de sens à ma phrase. Une doublette frontalière, tout d'abord Outbrawl du Hardcore Beatdown qui nous vient de Suisse. Ils sortent là leur nouvelle et seconde EP intitulée Big Smoke. Voilà, c'est débile, c'est brutal, c'est frontal, c'est très bien fait. Tomb of the Undead, c'est le titre qu'on s'écoutera de Outbrawl. Et ensuite, dernière nouveauté pour l'émission de ce soir, Schizophrenia, jeune et récente formation venue de Belgique qui a vu le jour en 2016. Initialement, c'était du revival thrash. Ils ont durci le ton musicalement depuis le premier EP, puisque là on est sur du death, trash death bien old school, d'inspiration Demolition Hammer, quelques relents Sepultura, autres Sodom. Voilà, Schizophrenia au niveau des Icos, on retrouve le batteur de Butcher et autres Skeletal. Donc voilà, effectivement, ça poutre sec. Recollection of the Incense, c'est le nom de leur premier album longue durée. Redefining Darkness Records, c'est leur label. Et on s'écoute le titre Divine Immolation, donc Schizophrenia, et juste avant ça, Outbrawl. The motherfucking top has opened. The reign of the impress has begun. Top of the earth.